On va parler du March Madness. On est rendu dans le Elite Eight. Ça commence à jouer dur. On va demander à notre ami, à notre expert Peter Yiannopoulos de TSN Radio, de RDS également, du 91.9, savoir un peu comment que ça se passe. Duke, ça fait deux fois qu'on l'échappe belle. Salut Peter! Salut, ça va bien, Danny? Ça va bien, ça va bien. Peter, es-tu inquiet du rendement de Duke? Parce que moi, il m'a dit une affaire. Ça fait deux fois la semaine passée, on a évité la catastrophe contre UCF. Encore hier, ça a passé très proche encore hier. Hein. Non, ça a passé extrêmement proche. Écoute, j'avais choisi Duke pour gagner le championnat au ouais. début du tournoi. C'est pas facile de gagner six matchs consécutifs. On parle d'une équipe avec beaucoup, beaucoup de talent. Quand on parle de Zion Williamson, puis quand on parle de R.J. Barrett, ouais. Mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur dans cette équipe. C'est des jeunes joueurs. Puis comme on a vu hier soir dans le match contre Virginia Tech, Cam Reddish, l'autre joueur de première année qu'on voit être dans la NBA l'année prochaine, il a raté le match avec une blessure au genou. Ouais. Alors, c'est Alex O'Connell qui a pris sa place. Fait que Mike Krzyzewski joue vraiment six joueurs maintenant, peut-être un peu un septième. Fait que quand t'as pas la profondeur, il y a des bonnes équipes maintenant qui sont rendues dans le tournoi de l'NCAA. Quand on parle de la deuxième ronde du Sweet 16, fait que c'est clair qu'ils ont besoin de Zion Williamson, de R.J. Barrett, de être vraiment à leur mieux. Mais hier, qu'est-ce qui était vraiment important, c'était le match de Trey Jones. On savait que Trey Jones, il était vraiment inconstant durant le tournoi de la NCAA. Mais hier soir, il y a eu beaucoup de 3 points, 5 3 points, fait que c'était clair qu'on avait besoin de ça pour Duke, Trey Jones, tout un match hier, finalement pour Coach K. OK. Je regarde ça. Comment tu vois ça demain contre Michigan State? Ce ne sera pas facile encore. Là. Michigan State est une des bonnes universités. Là. Non, ça n'est pas facile. Oh. Puis j'ai mentionné qu'au début du tournoi, que l'équipe qui donnera le plus de problèmes, il y en a une couple. On sait que Gonzaga, ils ont déjà battu Duke, Virginia, toute une équipe. Mais une équipe comme Michigan State, les Spartans avec l'entraîneur-chef, le légendaire Tom Izzo. C'est une équipe qui est vraiment physique, robuste. Ils ont pas peur de jouer à l'intérieur physiquement. Quand on parle des joueurs comme Zion Williamson, tu as besoin des joueurs intérieurs avec vraiment assez costauds. Ils ont une équipe avec beaucoup d'expérience. Cassius Winston, c'est un joueur qui peut vraiment lancer du périmètre. McQuaid aussi. Là, à l'intérieur, t'as un jeune joueur comme Kelly, t'as Ward qui vient sur la deuxième unité. Michigan State, une équipe qui va être extrêmement confiante demain contre Duke, une équipe qui peut lancer des trois points, qui peut marquer avec des rebonds offensifs. Écoute, RJ puis Zion demain, ils devraient jouer un de leurs meilleurs matchs parce que quand on voit que UCF et Virginia Tech sont passés à un point chaque ou à deux points de les battre, Michigan State, il faut commencer bien le match parce que Michigan State peut finir. Michigan State, c'est une équipe qui veut gagner le championnat de la NBA cette année. Non. Puis là, mais on l'avait dit en début de saison, hein, on l'avait dit, cette équipe-là manque de profondeur. Oui, ils ont été classés numéro un sur les grands favoris, mais mais pour ça, Zion et R.J. Barrett ne doivent pas prendre de congé, sinon, oubliez ça, là. Sinon, ça va être très difficile. Puis c'est exactement ce qui se passe. Hein. Il manque de profondeur. Ouais. Des fois, Danny, le monde dit, OK, Duke sont chanceux d'avoir gagné les deux derniers matchs. Oui, peut-être. Mais de l'autre côté, c'est une équipe qui vraiment peut gagner avec l'adversité. C'est une équipe qui peut vraiment avoir des possessions défensivement puis arrêter l'autre équipe de gagner le match. Mm. Écoute, le ballon, il a pas rentré, mais quand même, il a pas rentré, c'est la bonne défensive. Fait que Duke montre que ils ont la complicité, ils ont la chimie de vraiment jouer ensemble. Puis vraiment gagner les matchs serrés, puis des matchs proches, puis c'est ça que tu as besoin dans le tournoi de l'NCAA. Comme j'ai mentionné, c'est six matchs de gagner, et ça va pas être facile. Chaque équipe, c'est des champions de conférence ou une des meilleures équipes de l'NCAA. Écoute, Duke, R.J. Barrett, il a bien joué hier dans la deuxième demi. On a demandé que R.J. devienne un marqueur. Zion Williamson, écoute, il amène un, il amène deux, il amène trois joueurs pour l'arrêter, ils sont pas capables. Mais Zion, c'est un joueur vraiment polyvalent. Écoute, Trey Jones devrait jouer comme il a joué hier soir. Delaurier, Goldwire, Bolden aussi. Ça va être tout un match dans le Elite Eight. Puis quand la braquette est sortie, mon Danny, tout le monde était un peu fâché. Puis Michigan State était fâché parce qu'eux autres, ils ont gagné le tournoi du Big Ten, saison régulière, dans la conférence. Ils étaient dans la même région que Duke. pas trop gentil, comme on dit, mais écoute, si tu veux jouer Duke maintenant ou dans la finale, dans le Final Four, tu dois les battre. Je pense que Izzo, la légende, l'intensité de Tom Izzo, on va voir ça demain. Oui, exactement. Dis-moi ce que... C'est le match de la fin de semaine, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Ailleurs, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Je regarde ça, le Gonzaga est là. Tu sais, rendu où il était, il n'y a pas d'équipe actuellement qui... Il n'y a pas d'équipe qui vraiment surprenne comme les autres années, avec Davidson, Loyola, Chicago et ainsi de suite. Là. C'est la logique qui est respectée jusqu'à maintenant. Oui, non, tu as absolument raison, Danny. Écoute, il n'y a pas de Cinderella, il n'y a pas d'équipe une petite école qui vraiment gagne, qui tout le monde tripe sur eux autres. Cette année, c'est vraiment les favoris qui continuent à gagner. On a vu un petit upset hier, Auburn, ils ont défait North Carolina, c'est la première tête de série numéro 1 classique qui sont éliminés. Ils ont vraiment joué pas un bon match North Carolina, mais je donne le crédit plus à Auburn, qui sont classés 5e dans cette région. Mm. C'est une équipe qui lance beaucoup de 3 points. Alors, eux autres, ils ont pas peur. Quand ça rentre, ça pleut dehors, c'est comme on dit ça, mais ils vont jouer contre une équipe Kentucky qui ont le retour de PJ Washington. Fait qu'un match serré pour Kentucky, fait que ça va être 2-5, mais on va voir des matchs. Virginia, encore là, contre une équipe comme Purdue, ça va pas être facile. Carson Edwards de Purdue, c'est un des meilleurs marqueurs de tout le tournoi. 25 points par match comme moyenne, le dernier à faire ça, c'était Steph Curry avec Davidson, fait que ça va être intéressant pour Purdue. Puis quand on parle de Gonzaga, écoute, les Aggs, c'est eux autres tout le temps la petite école qui vraiment faisait des miracles dans le tournoi l'entier. Là, ils sont rendus une des meilleures équipes l'entier. Ils ont perdu contre North Carolina il y a 2 ans. Ils ont battu Duke cette année. Hachimura, le Canadien, Brandon Clark, l'expérience de Perkins Norvell sur le périmètre. Ça va être intéressant parce que Texas Tech, c'est une équipe vraiment physique, défensive. Ils ont battu Michigan. Fait Gonzaga, Texas Tech, je pense n'importe quoi peut arriver, mais moi, j'attends que Gonzaga puis Virginia va être dans le Final Four. Et que de l'autre côté, Kentucky, Auburn, c'est toutes des bonnes équipes. Fait que c'est la meilleure de meilleures, la crème de la crème, mon ami. Ouais. Peter, gros merci. On se reparle la semaine prochaine. OK, merci. T'as mis Peter Yiannopoulos de TSN Radio.